louer dans un appartement de deux pièces n'ayant rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre ce qui se passe chez les voisins. Il est 15h, je suis réveillé par le bruit de la vaisselle. Le réveil est sec, je me frotte les yeux, putain j'ai v'là les cernes. La chambre a pas de serrure, mais c'est une cellule comme ma freine. Je regarde pas la télé, moi j'ai mieux que ça, j'ai ma fenêtre. Y'a ce gamin crade, il veut pas juste une clope, mais l'intégrale, c'est un détail. Un de ces gars, toujours dans le coin, en train de t'égras. Il check les grands du check, ils sont toujours à cette terrasse. Ils vendent pas des CD de rap, que crasser, c'est etc. Un client s'approche, hey, il fait genre, il veut du feu. Il demande un truc, il a une gueule d'intrus. Non, on a pas ce que tu veux. Un clochard passe, un de ceux qu'on avait pas vu depuis des mois. Tout le monde le pensait mort. Normal, il est trop pauvre pour avoir mis les voiles au restaurant du coin. Table 6, toujours le même type. Il venait avec sa femme, plus qu'à l'état, il fait l'amnésie. Qui prend en continu, les yeux rivés sur la jeunesse. Très peu d'espoir, voilà ce que je vois par ma fenêtre. Un quart flic, un bac, chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Un quart flic, un bac, chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Il est 21h, je rentre chez moi, j'ai pas de sous pour le grec. Mais avec un bout de steak, un paquet de pâtes, je te fais un tour de maître. Les darons m'embrouillent pour mériter ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Je me donne 15 minutes, je roule un minus et direction la fenêtre. Là je vois un petit qui se cache pour fumer sa conso. Il a pas de chance, son grand frère c'est mon sauce. Les lampadaires s'allument, les enseignes s'éteignent. Y'a cette fille qui ressemble à une ex, mais non, c'est elle, elle qui racontait. Moi je me barre, je reviens jamais dans ces cas. Elle qui a fait tant d'écart, elle fait la belle, mais toujours en l'air gars. Un mec lui demande la route, elle se penche fatalement. Il a un argument, Audi A4, plaque allemande. C'est un grand du tchécard voisin avec lequel y'a des tensions. Pour une histoire de vagin, il peut y avoir des morts, des mecs en zonze. Une bouteille tombe, le mec s'est mangé des éclats. Ah oui, là, y a... J'ferme la fenêtre, j'entends le voisin qui a demandé les ch'tards. Un quart flic, un bac, chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Un quart flic, un bac, chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. 4h du match, dis au revoir aux escaliers de la tour. Je pourrais rien à foutre, je laisse des flaques et des tacs sur la route. J'arrive chez moi, un pote revenu de Meudat nous a lâché de la fraîche. J'ai pas envie de bédard, mais le joint est là, donc je me mets à la fenêtre. Le sort du PMU est à demi-baissé. Un mec en sort en sang, il prend la rue pour des WC et mécher. Sorti par le barman, j'ai ma classique. Ce soir, il s'est fait masser pour une histoire de blague raciste. Tout est fermé, à part l'épicier et le terre-terre. Vu qu'il y a des schlags H24, les mecs du hall sont des terres. Prêts à tuer comme à l'abattoir, d'un coup ça crie. Prépare-toi, je comprends enfin la scène quand je vois la voiture de la BAC noire. Y'a ce mec au pied du team en bas, ça fait une heure qu'il siffle en balle. L'interphone est en panne et un voisin lui crie: vas-y, remballe. Et puis y'a ce daron triste qui colle des feuilles pour retrouver sa fille. Si je reste encore une heure, j'assisterai au réveil de ma ville. Au réveil de ma ville. Un quart flic, un bac, chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Un quart flic, un bac, chiche, c'est pas un mec. Sur le parvis, ça s'agite, c'est grave la merde. Des batteries, peu importe, ça c'est pas la fête. Paris 18, le quart télé, viens voir ma fenêtre. Encore un coup de marqueur, voilà où je vis ma vie. Je connais par cœur, j'ai la rue en vis-à-vis. Rue de la Chapelle, drôle d'ambiance, faut tenir le coup. Peu importe l'heure, fenêtre sur rue, 2012, fenêtre sur rue.